Au mois de septembre courant, c'est Toka dans le studio de l'RCF Bonne FM, le journal en français. Vous recevez Willy Sindayebura à la présentation. Billy Rodriguez Nawandana assure la mise en onde. D'abord, le sommaire de ce journal. Le ministère de l'Intérieur, du Développement Communautaire et de la Sécurité Publique a demandé à la mairie de Bujumbura d'accorder un délai dit de grâce de 2 semaines à toute personne qui n'a pas exécuté la mesure de démolition des constructions anarchiques. Mais cela est fait après qu'Emer Laurentine Kanyana, ex-ministre de la Justice, eut été infligé une amende de 10 millions pour n'avoir pas exécuté cette mesure. Vous l'entendrez dans cette édition. Et à la tête d'une bande qui a fait des jets de grenades en mairie de Bujumbura figure Alexis Sindouise, comme l'a proclamé hier le procureur général de la République. Vous l'entendrez dans cette édition. Mais pour le parti Hanak, ces faits ne coïncident pas avec les actes du parti politique et aucun parti ne peut revendiquer ces actes ignobles, vous l'entendez également. Santé, la parcelle demande la suspension temporaire des fêtes et des activités à grand rassemblement pour faire face à la COVID-19. Voilà pour le sommaire. Bonjour et merci pour votre fidélité. Le ministère public attribue les jets de grenades en mairie de Bujumbura à une bande dirigée par Alexis Sindouise, François Nyamoya, Marguerite Varanit et d'autres. Dans une conférence de presse animée ce mercredi, Silver Nyandoui, procureur général de la République, a également signalé que les mandats d'arrêt internationaux vont être émis car les concernés ne sont pas sur le sol burundais. Silver Nyandoui. Au regard du droit national et international, ces actes constituent des actes de terrorisme ainsi que des crimes contre l'humanité. Les auteurs de ces actes s'attaquent aux paisibles citoyens sans défense. Pour les actes criminels commis avant le 20 septembre 2021, nous avions déjà annoncé que des dossiers avaient été ouverts. Les auteurs appréhendés seront jugés incessamment conformément à la loi. Les enquêtes déjà menées ont révélé que ces actes sont commis par une bande de terroristes dirigée par les personnes suivantes. Alexis Sindouise, qui est à la tête de cette bande, François Nyamoya, Marguerite Varanhitse, Biremba Melkiad, Nibigira Jean-Claude alias Bayaga, Niyukuri Nicolas alias Gisiga, Bahati Gad, Ndaira Gijelievin alias 26 et bien d'autres non encore identifiés mais encore recherchés. Pour les actes commis dans la soirée du 20 septembre 2021, nous avons ouvert un dossier à savoir RMPG 873-K.I-BJB. Comme les dirigeants de cette bande citée si haut ne résident pas sur le sol burundais, nous avons décidé de lancer contre eux des mandats d'arrêt internationaux pour que les pays qui les hébergent puissent les arrêter et les livrer à la justice burundaise pour qu'ils répondent de leurs actes. Sylvestre Nyandoui, le procureur général de la République du Burundi. Le parti Hanak s'inscrit en faux contre ces actes de jet de grenade qu'il qualifie d'ignobles. Aloïd Baritako, président de son parti, fait savoir qu'aucun parti politique ne peut revendiquer ces choses et perturbant la sécurité, demande à tout un chacun de construire la paix à l'intérêt du développement public. Aloïd Baritako. Le parti Renac s'indigne des actes barbares, ignobles, qui ont été perpétrés le soir du 20 septembre 2021 dans certaines places publiques où un groupe d'individus mal intentionnés a jeté des grenades sur des populations paisibles et des individus sont morts et d'autres ont été blessés. Le parti Renac voudrait d'abord transmettre sa condoléance aux familles éprouvées. Le parti Renac aussi voudrait souhaiter du courage aux blessés qui souffrent encore et qui sont hospitalisés. Le parti Renac voudrait remercier le gouvernement du Burundi des actes qu'il vient de poser. En affirme qu'il va participer à l'enterrement des disparus et qu'il va aussi continuer à assister les hospitalisés et à poursuivre, même après, à les assister s'il y a des infirmités liées à ces actes de jet de grenades. Le parti Renac voudrait condamner avec toutes ses forces ces actes auxquels on ne peut pas trouver un qualificatif que celui de terrorisme. Parce que, dans ces jours-ci, il n'y a pas un homme politique qui peut réclamer des choses en commençant par tuer des gens. Surtout que vous avez entendu même le président des États-Unis qui a déclaré que, dans ces jours, la guerre ne peut pas trouver des solutions au conflit. Il faut faire régner la paix. La paix, c'est le début du développement. Et le parti Kodebou recommande au gouvernement de mener des enquêtes approfondies pour identifier les vraies causes de ces attaques de grenades observées ces derniers jours. Kefani Bizi, président de son parti, précise que son parti est préoccupé par ces attaques qui visent la population. Kefani Bizi. Le parti Kodebou demande ainsi aux auteurs de ces attaques, de ces actes ignobles qui ne fait que semer la désolation de la population. Par conséquent, le parti Kodebou demande au gouvernement de doubler de vigilance à la protection de la population et surtout de vérifier si toutes les composantes des comités de sécurité accomplissent mieux leur mission. Au cas échéant, le gouvernement devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour une cohésion efficace dans le maintien de la paix et de la sécurité. Le parti Kodebou demande également au gouvernement de mener des investigations approfondies pour identifier les vraies causes de ces attaques récurrentes afin de trouver des solutions durables qui permettront à la population de vivre paisiblement. Le parti Kodebou demande enfin à la population de rester vigilant et unie en évitant tout celui qui tentera de les diviser pour des raisons diverses. Et le parti Uprona, dans un communiqué sorti ce mercredi, Olivier Nkurunziza, président de son parti, encourage la police dans la traque de ces malfaiteurs afin que ces derniers soient traduits en justice. Après une courte pause, société. Le ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique demande à la mairie de Bujumbura d'accorder un délai dit de grâce de 2 semaines à tous ceux qui n'ont pas respecté la mesure de démolition des constructions anarchiques en mairie de Bujumbura. Dans cette correspondance adressée au maire de la ville de Bujumbura, ce mercredi, ce ministère demande de sanctionner sévèrement ceux qui n'auront pas respecté ce délai dit de grâce et une amende obligatoire des millions de francs avait été infligé à Aimé Laurentine Kanyana, ex-ministre de la Justice et chef de cabinet civil adjoint à la présidence de la République du Burundi pour ne pas avoir respecté la mesure de démolition de la clôture de son hôtel Niwakal 6 à Nyakabiga. Dans la lettre que Renova Sindayewa, l'administrateur de la commune Mukaza, lui avait adressée, la démolition de cette infrastructure serait exécutée par la mairie et toutes les dépenses seront payées par Emel Rantine Kanyana. Et de l'autre côté, l'ONG locale Parsem propose la suspension temporaire des fêtes et activités à grand rassemblement. Faustin Dikouman, directeur national de la Parsem, estime qu'il est temps de prendre des mesures sérieuses pour faire face à la propagation de la COVID-19. Il le dit après la mesure du gouvernement fixe l'organisation des fêtes et cérémonies pendant le week-end seulement. Selon Faustin Dikoumana, cette mesure ne suffit pas pour éviter la propagation du coronavirus. Suivez Faustin Dikoumana. Le gouvernement devrait franchir le pas et commencer à prendre des mesures beaucoup plus sérieuses pour rappeler au Burundi que la situation devient de plus en plus préoccupante. Et au parterre, nous disons qu'il est grand temps qu'on prenne des mesures comme la suspension temporaire des fêtes, des rencontres, des croisades religieuses, les matchs, les championnats, pour limiter autant que faire se peut les rencontres qui, s'ils sont suspendus, la vie peut continuer, notamment pouvoir aller au travail, au marché, à l'hôpital, à l'école, mais en prenant soin des mesures de prévention dans ces milieux seulement qui sont vraiment vitaux. Mais sinon, on a pu voir que cette période d'été où les fêtes familiales deviennent de plus en plus nombreuses, ça pourrait avoir été l'un des facteurs qui a augmenté la propagation de cette pandémie qui devient de plus en plus préoccupante. J'imagine qu'on devrait prendre des mesures beaucoup plus sérieuses, la suspension temporaire pour évaluer progressivement. Parce que depuis un certain temps, on a pris des mesures, mais le nombre de cas a continué à augmenter. Maintenant, il faut prendre des mesures beaucoup plus sérieuses et commencer à évaluer s'il y a diminution des nouveaux cas dépistés par jour. Faustin Dikoumana, et à présent, direction commune Nangwa, toujours en mairie de Bujumbura, les transporteurs en commun transfrontalier œuvrant au marché Bujumbura City Market, communément appelé Quasion, font savoir qu'ils travaillent à perte parce qu'ils ne traversent plus les frontières. Ils disent que les coûts élevés des tests au COVID-19 étaient le principal handicap pour ces derniers. La réduction a apporté un léger mieux, mais nécessite encore d'être revue à la baisse. Alice Ndaïdé. Ce chauffeur du parking du marché Bujumbura City Market du Kwasioni, qui transporte les personnes vers les pays limitrophes, disent qu'ils travaillent à perte du fait qu'ils ne traversent pas les frontières. Ils affirment que tout a commencé au moment de la fixation des frais de dépistage au COVID-19 sur les frontières parce que le prix était élevé. Oui, travailler à perte est l'un des défis que font face les chauffeurs. Ils ne peuvent pas toujours avoir fait 15 dollars comme frais de dépistage. Ces chauffeurs disent qu'ils ont entendu que le gouvernement a diminué ses frais de dépistage sur les frontières, mais restent toujours des obstacles du côté des chauffeurs de ce parking, puisque pour eux, il faut beaucoup de tours par jour et il faut le dépistage à chaque fois qu'ils font un tour. Ils demandent à l'État de leur faire faveur pour qu'ils paient ses frais de dépistage une fois les deux semaines. Les chauffeurs transportant les passagers qui partent à l'étranger et dire de payer toujours 15 dollars de dépistage, là, ils vont travailler à perte. Ce que nous suggérons, c'est de réduire ces frais de dépistage à l'endroit des chauffeurs. Imaginons transporter 5 clients de prise et lorsque tu passes chaque fois, tu payes. Cela fait que l'agence ainsi que les chauffeurs travaillent sans profit. Ce que je demande, c'est de payer au moins ces 15 dollars une fois par deux semaines au lieu de payer ces 15 dollars à chaque trajet. À mairie de Bujumbura, au marché Bujumbura City Market dit Kwasioni, est le seul qui a le parking de véhicules qui transportent les passagers vers les pays limitrophes. Merci à Alice Ndaïde et agriculture. À présent, certains agriculteurs de la zone et Louilizi, nous sommes dans la commune Mutimbuzi, province de Bujumbura, s'inquiètent du manque de terres cultivables. Ils pointent du doigt à l'élargissement de la ville de Bujumbura. Et le disent, à quelques jours de la saison culturelle, ses habitants demandent aux instances habilitées de mettre en place des mesures qui s'imposent femtides. Ces habitants de la zone Rubilizi, commune Mutimbuzi de la province de Bujumbura, agriculteurs de leur profession, font savoir qu'ils font face à un problème de manque de terres cultivables suite à l'extension de la ville de Bujumbura qui touche leurs terres fertiles cultivables. Cela nous cause des problèmes sérieux. Nous qui sommes agricultrices de profession, en plus, ici en ville, c'est là où se trouvent les terres fertiles. Nous avons quitté les collines car la terre de là n'est plus fertile. difficile à cause des ondes d'enrichissement et la plaine nous aide à trouver de quoi manger. Ces habitants de Rubirizi demandent au gouvernement de faire l'extension de la ville dans les collines qui s'y plombent cette dernière pour que les plaines restent des espaces alternatifs car ce sont elles qui sont très fertiles. Ces agriculteurs demandent en outre que le gouvernement les procure de tous les moyens de cultiver qui sont nécessaires et développés comme des machines. Je demande au gouvernement de saisir cette question en main et donner des moyens suffisants pour faire une agriculture moderne et si c'est possible d'amener aussi des machines et les villes doivent être construites sur les collines. La situation est ainsi au moment où les agriculteurs sont en plein préparatif de la saison culturelle A qui débute avec le début de la saison pluvieuse. Merci à Ephraim Chiza à 7h30. Point final à ce journal, la grande édition matinale. Merci pour votre fidélité. Merci à tout un chacun pour sa collaboration. Merci à Billy Rodrigue Navandana qui a assuré la mise en onde. Le journal vous a été présenté par Willy Sindayeura. Et bonne journée et bonne suite de programme